Hein? Qu'as-tu fait? Maintenant tu es maudite. Et tu devras toujours aller plus loin, encore plus loin, toujours ailleurs et plus loin. Personne n'a le droit de châtier un autre homme sans sa permission. C'est à lui seul que la vie des hommes appartient. Eh bien, dit Dieu, si quelqu'un tue Caïn pour venger Abel, Caïn à son tour sera vengé 7 fois. Et Dieu imprime sur Caïn un signe mystérieux qui fera peur à tous ceux qui le